Bonsoir Marion, tu m'entends bien? Bonsoir. Ouais, j'entends bien. C'est bon, le micro, il est bien Génial. là? Je pense. Vas-y, parle un petit peu, comment ça va par cette chaleur? Tranquille, tranquille, ça va très bien. Moi, je viens de rentrer de vacances, donc c'est cool. Ouais, c'est sûr, ça aide. Ouais, T'étais partie où? Peut-être que tu ne veux pas le dire aux futurs auditeurs, mais c'était sympa du coup. non, c'est juste que maman m'a fait une surprise. Elle m'a dit qu'on partait dans la Creuse et en fait, on était en spa pendant 4 jours, 4 week-ends, Oh, donc c'était sympa. d'accord. Ah oui, en effet. Ah oui, ça c'est bonne surprise en effet. Bonne Alors, ce surprise. soir, ouais, c'est clair. Ce soir, c'est notre 20e live de Beauté Imaginée. Donc, bienvenue. C'est un beau score, je suis très contente. Du coup, je vais commencer par faire l'introduction. Je vois qu'on a deux auditeurs qui ont déjà rejoint le rendez-vous. Hop. Donc, chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Et donc, c'est le 20e live de Beauté Imaginée ce soir. C'est un nombre un peu symbolique, on va dire. Et c'est super d'avoir déjà abordé tant de sujets beauté ici. J'espère que vous apprenez plein de choses parce que, en tout cas, c'est mon cas. On va voir qui est là avec nous. On a Juliette. Salut Juliette. Salut Astrée. Salut Sophie. Et salut Claire. Merci à toutes et quatre d'être au rendez-vous. Et Astrée s'exprime. Bravo pour le 20e live. Ouais, trop cool. Alors du coup, pour l'occasion, on va parler d'un thème assez scientifique avec Marion ce soir, le microbiote cutané. Donc c'est un terme un peu technique, on va dire, assez étonnant. Alors je vais vous faire une petite définition déjà du microbiote dans un premier temps. C'est l'ensemble des micro-organismes installés sur un humain, en fait. Et c'est un équilibre de plein d'espèces de micro-organismes, comme des bactéries. L'objectif de ces micro-organismes, c'est toujours de se nourrir, de se développer. Et donc certains de ces micro-organismes nous sont utiles, alors que d'autres, à l'inverse, sont plutôt mauvais pour notre corps. Et un microbiote finalement équilibré, ça permet d'aider notre système immunitaire à lutter contre les agressions extérieures. Ça, le microbiote, tu m'avais dit, c'est un sujet que tu trouves assez intéressant, Marion? Oui, clairement, enfin, c'est vraiment un truc qui me passionne. Ça fait peut-être un an que je fais énormément, énormément de recherches dessus. D'accord. Enfin, j'adore le corps humain. Et puis, je trouve Ouais. qu'il peut se débrouiller tout seul. Donc, le microbiote, c'est la meilleure façon d'être, on va dire, indépendant, Autonome. autonome, exactement. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est j'adore vrai. ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est fascinant. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du coup cette expression microbiote ou flore, on peut aussi dire ce mot-là. Le plus connu, c'est le microbiote intestinal, c'est peut-être plutôt celui-ci auquel, enfin, par rapport auquel tu t'es renseigné ou tu t'es intéressé à tous les microbiotes? Bah, je suis intéressée à deux. Il y a plus le microbiote intestinal et ouais, celui cutané aussi, mais vraiment dans les grandes lignes du coup. Mais vraiment, enfin, celui intestinal un maxi, enfin, à fond, quoi. Ouais, lui c'est un peu la base quand on parle de microbiote, c'est vrai. Donc là c'est très étudié, oui, par la communauté scientifique. On découvre beaucoup de liens entre le type de bactéries présentes dans le corps et par exemple la corpulence, l'humeur, l'état de stress aussi. Mais donc il existe d'autres microbiotes au niveau de chaque paroi en fait de notre corps. À chaque point de contact avec l'extérieur, on a finalement un microbiote. Il y a le microbiote oculaire, le microbiote vaginal par exemple, et le microbiote aussi cutané. Donc c'est ce dont on va parler ce soir, le microbiote cutané, parce que ça concerne les produits cosmétiques, du coup. Il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent à ça. Du coup, chers auditeurs, dites-nous si ça, c'est quelque chose dont vous aviez conscience. On a un microbiote cutané, c'est-à-dire un ensemble de micro-organismes au niveau de la peau qui vivent comme ça sur nous. Et qui nous aident finalement, peuvent nous être utiles ou parfois, à l'inverse, nous portent préjudice selon le type de micro-organisme que c'est. Alors, pour commencer, je te propose du coup qu'on commence par la partie un peu sur tes habitudes de beauté et plutôt sur tout ce que tu peut-être as pu découvrir sur le sujet. Et puis après, on aura notre rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque on fera deviner quelques caractéristiques te concernant. Ça te va? Ok, parfait. Alors, c'est parti. Bon, du coup, un des symptômes d'un déséquilibre du microbiote, c'est l'acné. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle tu es parfois sujette, Marion, toi, à l'acné? Alors, j'ai vraiment été épargnée sur ça, mais je Ah, sais par contre ça, que c'est cool. je n'ai vraiment pas du tout, du tout. Mais je sais par contre que si je bois pas d'eau ou si Ah j'ai oui? une alimentation qui n'est pas du tout assez variée, ou juste avant mes règles, j'ai deux, trois boutons qui apparaissent, mais j'ai jamais vraiment eu, enfin, j'ai jamais eu beaucoup de boutons ou quoi que ce soit. Donc vraiment sur ce coup-là. Ah ouais, d'accord. Mais tu as remarqué du coup un lien avec l'hygiène de vie finalement. Moi, ouais, ça c'est intéressant. Totalement, totalement. Pour moi en tout cas. Et ouais, d'accord. En tout cas, du coup, on avait fait un live sur le sujet de l'acné. Et le principe, c'est que lorsqu'on produit trop de sébum au niveau de notre glande sébacée, il y a un type de bactérie qui raffole du sébum. C'est le Propionium bacterium acnes. Et donc, dans ces cas-là, cette bactérie est trop forte parce qu'elle consomme plein de sébum, donc elle se reproduit énormément. Et en fait, elle sécrète une toxine quand elle consomme le sébum. Du coup, quand il y a trop de sébum, il y a trop de toxines et ça crée une inflammation en fait. Ce qu'on peut voir apparaître des boutons un peu blancs, ça va être la substance créée par la bactérie. Donc ça, c'est un exemple typique d'un microbiote déséquilibré. Quand une bactérie est trop présente. Alors, est-ce que Juliette avait entendu parler de J'avoue que ça? j'avais jamais entendu parler de ça, mais ça a l'air intéressant. C'est assez fascinant, moi, de se dire que voilà, c'est le fameux infiniment petit qui peut être étudié comme ça. Et du coup, pour rééquilibrer un microbiote, on peut consommer ou appliquer des probiotiques. Donc, ce sont des levures composées de bonnes bactéries pour qu'elles se développent ensuite et prennent plus de place que les mauvaises bactéries sur notre peau pour la digestion, du coup. Est-ce que tu avais déjà consommé des probiotiques pour la digestion, toi, en t'y intéressant? Ouais, totalement, totalement. J'avais fait une période pour justement remettre à niveau mon microbiote, et du coup, il y a une période où fallait prendre justement des micro-organismes. Enfin, des probiotiques, pardon. D'accord. Et alors, tu as vu un impact? Ah, mais c'est un truc de fou, c'est Ah. génial. Enfin, on se rend pas compte à quel point ça peut influencer, mais après, c'est sur vraiment une longue période. Enfin, remettre à niveau son micro. Son microbiote, Oui. ça prend, c'est sur des mois où c'est vraiment long et tout. Mais même au niveau de la peau, rien que pour le niveau intestinal, enfin, j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de Ah changements. oui. Donc, c'était hyper cool. Ah d'accord. Ouais. Bon exemple. Alors, donc, du coup, ça t'a donné envie d'en prendre un peu sous forme de cure ou sur Bah, en du fait, long terme? c'est pas vraiment des cures parce que enfin, c'est assez différent, mais le microbiote intestinal, il faut déjà changer toute son alimentation parce que ça Ouais. joue énormément l'alimentation. On s'en rend pas compte. Et après, une fois seulement qu'on a changé notre alimentation sur une période, je pense, de 1 ou 2 mois, moi ça m'a duré 2 mois, là on peut prendre des Des probiotiques seulement probiotiques. pour réactiver en fait. C'est assez long et compliqué, mais une fois que c'est fait. On est bien. Ouais, mais du coup, après, oui, il faut garder ce rythme de Ouais. bonne hygiène de vie, en fait. Et c'est pas Parce qu'en facile. effet, tout ce qui est micro-organismes de base, ils proviennent de l'alimentation. C'est comme ça, au départ, qu'on se les approprie, enfin, qu'ils nous colonisent, entre guillemets. Alors, Totalement. Juliette. J'ai une question, quand tu dis que tu as pris des microbiotes, c'est sous forme de médicaments? Alors, c'est des probiotiques du coup. Et oui, c'est sous forme de gélules, hein. Je pense que c'était ça pour toi. Oui, totalement, c'est des gélules. Enfin, c'est de la levure. Enfin, ouais, c'est ça, ça s'appelle de la levure en général et il y en a partout en pharmacie. Et c'est sous forme de comprimés, en fait. Enfin, Ouais, c'est juste des comprimés avec de la poudre à l'intérieur, quoi. ouais. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est ce que tu disais, hein, il faut un certain temps avant que ça fonctionne, c'est qu'il faut 4 semaines de prise de ces bonnes bactéries, du coup, sous forme de probiotiques, enfin de comprimés plutôt, pour que on puisse voir des effets, parce que on a des milliards de micro-organismes, notamment dans l'intestin, et du coup, le temps que les bonnes bactéries prennent plus de place que les moins bonnes, il faut quand même. Enfin voilà, il faut un certain temps. Alors Clairement. du coup, pour la peau, voilà, c'est une des nouvelles tendances d'incorporer des probiotiques aux produits de beauté. Est-ce que donc ça, tu avais creusé un peu cette question-là, les probiotiques dans la cosmétique? J'avoue que pas trop, non, je m'étais pas hyper, enfin, je n'étais pas intéressée aux Enfin, je ne m'étais pas Ouais. intéressée au fait qu'on puisse en prendre justement pour la peau, et mais seulement pour la peau, quoi. Ouais. En fait, ça peut ouais, être incorporé dans des crèmes de jour ou d'autres produits. Il y a des marques là, qui se lancent là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est prébiotique. Donc, le probiotique, ça va être l'ensemble de bactéries. Ensuite, les prébiotiques, c'est tout ce qui va être un peu nutriments, nourriture pour les bonnes bactéries. Et après, on a même les postbiotiques. Là, c'est tout ce qui est assimilable à la substance que crée une bonne bactérie. Parce qu'en général, il y a tout un équilibre. Les bonnes bactéries créent des substances quand elles consomment, bah, je sais pas, des nutriments qui sont naturellement présents sur notre peau. Et ensuite, du coup, elle sécrète une substance qui va permettre de nourrir une autre bactérie, etc. Donc, voilà, y a ces trois types de notions. T'avais aussi entendu parler des prébiotiques, du coup? Oui, j'en avais entendu parler un peu. Après, j'avoue que j'avais pas, enfin, j'ai pas non plus énormément potassé dessus. Je suis restée aux probiotiques, mais j'en avais un peu entendu parler. Et vous, chers auditeurs, dites-nous si ça pourrait vous inspirer de consommer des produits de beauté qui proposeraient soit des probiotiques à l'intérieur, donc des bactéries carrément, soit des prébiotiques, donc de la nourriture pour vos bactéries. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous fait plutôt peur? Alors, en fait, on a par exemple la marque Galinéa qui a incorporé de l'acide lactique dans tous ses produits parce que le corps en fabrique naturellement. Donc, les bonnes bactéries l'apprécient. Et apparemment, les mauvaises bactéries ne le consomment pas, à l'inverse. Et une autre marque que j'ai découverte, c'est la marque engagée Demain, qui introduit des prébiotiques du coup dans tous ses soins pour aider à cet équilibre du microbiote cutané. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à ce sujet? Non, pas Est-ce du que... tout. C'était hyper clair. J'en ai même appris beaucoup. Du coup, c'était enfin, Ouais. vraiment. Bah, on va J'ai voir si kiffé. le quiz vrai faux peut-être on apprendra encore davantage. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être rire avec une gaffe que tu aurais faite en mauvaise utilisation de produits de beauté? Ok, alors. Quand j'étais plus petite, non, bon, c'était il y a peut-être. Ouais, j'étais pas non plus si petite que ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. J'avais acheté 2 crèmes. Il y en avait une, c'était le savon, et une, c'était une crème. Et mais ça avait le même packaging. Et pendant une Ouais. semaine, j'ai utilisé le savon en crème et la crème en savon. Enfin, je sais pas. Et Mince. pendant une semaine, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de boutons et pourquoi ça me gratte et pourquoi je suis toute rouge? Et Ouais. à un moment, je me suis dit, mais je vais peut-être lire. Et du coup, je me suis rendu compte que ça, pendant une semaine, j'utilisais le savon en crème et la crème en savon. Enfin, ça, c'était Mince. je pense, une des plus grosses bêtises que j'ai faites. Oui. Parce Et que ah ouais, du pendant coup, une semaine j'ai pas quand même. kiffé. Et, Ouais, ah une ouais, d'accord. semaine. Oui, au niveau de la texture, ça devait être particulier alors, quand Ah bah oui, non, même. mais je crois que j'avais pas bien compris le concept du savon et Ouais. et de la crème. Mais du coup, ça, c'est ma Mais plus oui, grosse gaffe. si. Ouais, c'est plutôt marrant. Heureusement que ça n'a pas été quelque chose de plus gênant, je ne sais pas moi, quelque chose qui piquerait dans les yeux ou quelque chose Ouais, comme non, heureusement, heureusement. ça. Et du coup, c'est quoi ton produit de beauté un peu incontournable ces temps-ci? Est-ce que tu en as un? Je mets pas du tout de maquillage, j'avoue que je mets juste du rouge à lèvres et ma Ouais. crème. Donc le matin vraiment c'est enfin le matin c'est ma crème et mon rouge à lèvres, et le soir D'accord. c'est juste la crème, ma crème, quoi. D'accord. Et le rouge à lèvres, c'est une couleur précise ou tu aimes bien le J'ai changement? deux couleurs, non, j'ai 2 couleurs, soit c'est rouge, soit, comment on appelle ça, rose un peu orangé. C'est mes 2 couleurs, D'accord. voilà. Une marque C'était. particulière? Alors, du coup, le rouge, enfin, pour le rouge, c'est L'Oréal, enfin, un mat liquide de chez D'accord. L'Oréal. Et pour le rosé, c'est un crayon de chez Monoprix Bio. Tout basique, vraiment, qu'on trouve partout. D'accord. Donc, tu en es plutôt satisfaite. Ah bah, très satisfaite, je rachète toujours les mêmes. Ça, c'est clairement moi. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, enfin, en termes de produits de beauté, il y a tellement de propositions, de gammes, de marques différentes qu'on peut vite s'y perdre. Et donc, une fois qu'on a quelque chose de satisfaisant, c'est mieux de s'y accrocher. D'ailleurs, je crois que, enfin, il y a beaucoup de scientifiques et de dermatos même qui préconisent de rester un peu sur les mêmes produits hein, pour éviter de changer trop souvent et de Ah ouais? perturber un peu, bah, justement. Comment? Parce que moi, ma mère qui ne s'y connaît vraiment pas là-dedans, elle me sortait tout le temps, mais achète pas toujours le même produit, ta peau elle va s'y habituer, je sais pas D'accord. quoi. Mais du coup, je sais pas, mais du coup, Bon, non, en bah fait, c'est écoute, pas comme ça. en fait, fin, disons que pour tout ce qui est peau sensible, moi, une dermatologue m'avait dit plutôt de rester sur ce qu'on connaît, ce que notre peau connaît. Et après, pour tout ce qui est potentiel, ingrédients un peu néfastes, tu vois, qui pourraient sensibiliser ta peau, la rendre un peu allergique ou voilà, créer des rougeurs, etc. Le fait d'appliquer trop, par exemple, de conservateurs différents dans plein, plein de produits différents, ça peut avoir des impacts un peu encore plus délétères sur ta peau. Donc oui, il y a toute une mouvance, en fait, tu vois, de la slow cosmétique qui correspond au fait de consommer moins en quantité, mais mieux, c'est-à-dire avec en réfléchissant bien à la composition, tu vois, au fait qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients controversés, etc. Donc ouais, dans l'ensemble, j'ai plutôt entendu que qu'il valait mieux limiter sa consommation de produits cosmétiques. Ah bah cool. Ça te fera un Je argument. m'attendais. Alors du coup, on va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, vous le savez, dans Beauté Imaginée, on aime bien faire deviner quelques infos, enfin que vous imaginez ma belle invitée pour vous laisser porter finalement par sa voix. Et c'est un peu la force du podcast, l'imaginaire aussi. Donc, voici les trois infos qu'on voudrait vous faire imaginer concernant ma belle invitée Marion ce soir. Son âge, son style de musique préféré et l'instrument de musique qu'elle joue. Dites-nous, chers auditeurs, ce que vous inspire la voix de Marion, ce qu'elle a pu dire depuis tout à l'heure au niveau de son âge, son style de musique préféré et l'instrument de musique qu'elle joue. Alors, qui est là? Nous avons Juliette, Claire, Astrée, Sophie, salut Sophie, Nessiu, salut Nessiu, salut Charo et salut JL-Mehdi. Qu'en pensez-vous, pour vous, quel âge a Marion? Et quel peut être donc son style de musique préféré, l'instrument de musique qu'elle joue. Toi, en termes d'âge, Mario, généralement, on te donne plutôt plus ou plutôt moins dans la vie? Plus dans la vie, plus. D'accord, plutôt plus en général. On va voir si ce soir, les auditeurs ont le même avis. Alors, on a Sophie. Alors, moi je dirais 20 ans. Pour le style de musique, je dirais pop rock et pour l'instrument, je dirais piano. On va savoir dans un instant. Alors, Astrée. Hop. Ah, ben, excuse-moi, Astrée, je lance et L'instrument de j'annule. musique, je dirais le violon. Et le Violon? style de musique. Non, mais c'est pas violon, attends. Non, mais non, guitare, guitare. Et le style de musique. Allez, rock. Et Juliette? Je pense que Marion a autour de 18 ans, qu'elle joue du violon et qu'elle écoute de la pop, je dirais. D'accord. Alors Marion, dis-nous tout. Je vais avoir 17 ans. Ouais. Je joue de la guitare et ouais, mon style de musique, c'est bien le rock. Donc bien joué, c'est Astrée qui a deviné guitare et rock. Ah, on a Nessio aussi qui intervient. Alors bonjour beauté imaginée et Bonjour bonjour Nessio. Marion. Moi je dirais comme âge environ 25 ans, je me prête au jeu. Ouais, Comme merci. musique, je dirais non, pop rock, comme a dit la personne avant. Ouais, plutôt. Ouais, pop. Et peut-être un peu de musique classique. Peut-être de la musique classique. Et je ne sais pas D'accord. pourquoi je dirais qu'elle joue du violon. Ah. C'est ce à quoi je pense. Ah bah tu vois, c'est marrant. J'ai C'est raté plutôt ma marrant. vocation. Ouais, Je pense aussi. peut-être que ta voix irait bien sur du violon. En tout cas, au niveau de l'âge, encore une fois, ce soir, tu as 17 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc oui, là, on t'a donné à nouveau plus, que ta voix aussi fait plus du coup que, enfin, comme dans la vraie vie, physiquement, du coup, on te donne plutôt plus. Donc, c'est rigolo. Alors, du coup, pendant que je poste sur Instagram, sur donc mon Instagram beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux, la photo mystérieuse que tu nous dévoiles ce soir, ainsi que la vidéo mystérieuse où tu nous montres un petit air de guitare et ton produit phare. Peux-tu nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, Marion, s'il te plaît? Bah du coup là je suis clairement encore au lycée, enfin je vais Oui. rentrer en terminale. Et du coup je suis en S, enfin en tout cas c'est une terminale S, et voilà, là je suis en D'accord. vacances, mais ça, enfin ça c'est ce que je fais pour l'instant en tout cas. D'accord. Et ce qui t'attire du coup, tu disais tout ce qui est un peu scientifique, Ouais, ça une t'intéresse prépa ou beaucoup? quelque chose comme ça. Ouais, une prépa scientifique en tout cas, je pense que c'est ce qui me je me dirige le plus vers ça en ce moment. Ou D'accord. médecine, donc faut voir. D'accord. Encore un an du coup pour Ouais, 6 mois, on te va dire, décider. avant Hein. 6 mois, ouais, avant de vraiment trancher. Et du coup, tes hobbies peut-être, donc la guitare, c'est ça? La guitare, j'y ai énormément. J'écris aussi, pas mal. Ah oui? Ouais, Des quoi? beaucoup. De... Bah, j'aime bien écrire des scénarios soit de Ah! séries, soit de films. J'adore faire ça. Ah, Et après, énorme, sinon, des je ne savais poèmes. pas, Et des d'accord. poèmes. J'ai pas mal de poèmes. D'accord, ok. Et tu les partages un petit peu ou c'est pour l'instant plutôt secret, enfin t'es Mes pudique sur ça? scénarios. Alors mes scénarios, alors mes scénari les scénarios non pas du tout, je les garde pour moi. Les poèmes, Ouais. enfin les poèmes, j'en fais lire des fois quelques-uns parce que, enfin il y a des moments où ça me dérange pas. Mais ce que j'avais fait à un moment, c'est que j'avais, il y a un site qui s'appelle Wattpad et on peut poster des nouvelles et j'avais posté ça anonymement et ça marchait plutôt pas mal. Mais j'ai plus le temps de le faire, du coup j'ai arrêté. D'accord. Mais je faisais ça Ah, à une d'accord. époque. Ah, je connaissais pas. Ça veut dire que les gens pouvaient enfin, donner leur avis ou c'était juste Bah, pour. ils lisaient et après, en fait, on monte dans le classement et puis il y a des catégories et on peut être premier de sa catégorie ou des trucs comme ça. Et du coup, D'accord. voilà. Ah, c'est plutôt sympa. Ah ouais. Ok, Ouais, c'est hyper ok. cool. Du coup, voilà. Eh bien, en tout cas, chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir les. Photos et vidéos mystérieuses de Marion, c'est sur Instagram. Ça y est, c'est posté. Vous pouvez y aller. Et nous allons passer au quiz vrai-faux. Alors, ce soir, Marion, j'ai sept questions sur. Non, six questions, pardon, sur le microbiote cutané. Combien tu vises, toi, comme note? Six questions ou sept questions du coup? Oui, six Six. questions. J'aimerais bien quand même 3 sur 6. Allez, ouais, 3 sur 6 D'accord. quand même. Ah, Mais bon, ça dépend des questions. Ouais, oui. Pas Donc c'est de toute façon, pas de pression. pas de pression, c'est ça le but, c'est d'apprendre des choses. Chers auditeurs, on attend vos réponses aussi. Hein, lancez-vous, c'est plus rigolo quand vous essayez de répondre avec nous. Alors, en fait, je vais vous proposer des affirmations et je vous incite à proposer si selon vous elle est vraie ou fausse. Et ensuite, il y aura une petite. Explication. Première affirmation. Le microbiote intestinal, comme le microbiote cutané, c'est la cohabitation de micro-organismes non nuisibles à l'homme et de micro-organismes néfastes à l'homme. Vrai ou faux? Je donne ma réponse ou pas là? Ça y est, tu peux donner ta réponse et puis si ça inspire les auditeurs, ils nous feront une note vocale juste ensuite. Oui, c'est vrai. Pour toi, c'est vrai. Alors. On a deux auditeurs qui se sont positionnés. Claire, merci Claire de participer. Je pense que c'est vrai. Vrai pour Claire. Donc, d'accord avec toi. Et Steven, salut Steven, merci de nous rejoindre. Salut à tous, je pense que c'est vrai. Astrée. Je pense que c'est vrai aussi. Ah, pour l'instant, c'est unanime. Juliette. Veux que tu répètes la question, s'il te plaît. Alors. Le microbiote intestinal, tout comme le microbiote cutané, c'est la cohabitation de micro-organismes non nuisibles à l'homme et de micro-organismes néfastes à l'homme. Qu'en pense Nessiu? Merci de participer, Suis Nessiu. désolé si vous pouvez répéter la question, je l'ai vraiment pas entendu. Je m'excuse. Alors, bah, Nessiu, dis-moi si là c'est bon, comme j'ai répété pour Juliette. C'est un peu technique tout ça, donc oui, c'est sûr qu'il faut se se concentrer, on va dire, sur les termes. Est-ce que ça inspire Sophie? Moi, je dirais vrai aussi. Vrai pour Sophie, pour l'instant, vraiment, c'est un Alors, fait c'est partout. la réponse est affirmative, oui. Allez, moi, je vais dire faux, comme tout le monde a dit vrai. L'esprit de contradiction. Alors, sans suspense, c'était vrai. En effet, c'est pour commencer avec une affirmation assez générale. En effet, les bactéries du microbiote vivent et pénètrent notre intestin ou notre peau, puis s'y multiplient. Elles consomment du coup des nutriments présents sur nous et sécrètent leurs propres substances. Donc, les bonnes bactéries se développent sans nuire à notre organisme. Par contre, les bactéries qu'on appelle pathogènes endommagent nos organes parce qu'elles sécrètent des choses, des substances qui ne nous conviennent pas. On parle de toxines du coup. Et dans ce cas-là, trop de toxines, ça peut provoquer par exemple une inflammation. On le disait tout à l'heure pour l'acné, voilà, la toxine provoquée par cette bactérie qui est fan de sébum, ça crée en fait un bouton un petit peu blanc, etc. Tout le principe du coup du microbiote, c'est qu'il soit bien équilibré pour nous être vraiment utile. Et du coup, lorsqu'un gène pathogène, donc mauvais, tente de pénétrer notre organisme en passant par la peau, le microbiote cutané constitue une première barrière parce que du coup, il y a toutes les bactéries habituelles qui sont posées sur la peau. Elles prennent déjà beaucoup de place et le germe a du coup du mal à se fixer. Et en plus, les bactéries du coup habituelles peuvent synthétiser des molécules toxiques pour les germes pathogènes qui vont eux du coup être tués grâce à ça. Donc ça montre bien que c'est utile d'avoir des bactéries sur nous. C'est vraiment même indispensable. Hein. De toute façon, on ne peut vivre sans. Ça fait partie de notre constitution. Deuxième affirmation. Les probiotiques et les compléments alimentaires sont deux synonymes. En fait, c'est la même chose. Vrai ou faux, Marion, selon toi? Faux. Pour toi, c'est faux. Alors, est-ce que les auditeurs sont d'accord? On a Steven. Pour résumer, c'est la guerre. Ouais, c'est un peu la guerre, le microbiote, parce que tous les micro-organismes sont un peu dépendants les uns des autres ou essayent de coloniser le plus possible l'espace et du coup notre peau en l'occurrence, puisque là on s'intéresse au microbiote cutané. Donc, ouais, ça doit pas être très sympa. Et nous on se rend compte de rien. Nessio? La réponse pour cette fois, c'est la négation. C'est faux. Ce n'est pas la même chose. Alors, donc là, pour l'instant, d'accord avec Marion, Sophie. Moi, je dirais faux aussi. Claire. Je pense que c'est faux. Il existe, par exemple, le collagène qui est considéré comme un complément alimentaire. Je ne pense pas que ce soit considéré comme un probiotique. Bien vu, bien vu. Astrée. Je dirais que c'est faux. Et Juliette. Je vais dire que c'est vrai. Donc, Mario, pour que tu saches, en général, Juliette est souvent se trompe J'ai souvent, cru quoi. comprendre. Et donc, ce soir, c'est une belle illustration de cette tendance. Steven? Je pense que c'est faux, mais sinon, faut partir du référentiel de Juliette et dire l'inverse. C'est ça, bien résumé. Astrée? Juliette, il va falloir peut-être se caler sur le groupe. Ouais, elle est marginale, Juliette. Claire? Je voudrais féliciter Juliette. Elle est pour sa constance. C'est clair. Alors du coup, en effet, c'était bien faux. Les probiotiques et les compléments alimentaires ne sont pas la même chose. La définition du probiotique, c'est tout ce qui contient des micro-organismes vivants, bactéries, levures, exerçant un effet bénéfique sur l'organisme qui les ingère. D'ailleurs, au live dernier d'Orofea, avec qui on échangeait sur les tendances de beauté russe, nous parlait du lait fermenté, le kéfir, qui est plein de bonnes bactéries. Et donc, ça, c'est un exemple de probiotique. La définition maintenant d'un complément alimentaire, c'est les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Il constitue du coup une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné. Donc c'est des vitamines, des minéraux, le fer, le zinc, des plantes, etc. Le collagène dont parlait Claire. Donc voilà, on n'est pas sur la même technologie entre guillemets. Et par contre, certains compléments alimentaires peuvent aussi contenir des probiotiques. Maintenant, ça se fait. C'est pas incompatible. La marque Demain que je citais tout à l'heure a proposé ça, voilà, des probiotiques insérés dans un complément alimentaire. Alors, Juliette veut peut-être se défendre. Merci à tous pour vos encouragements, ça me fait chaud au cœur. Je vais continuer dans cette lancée. Inès. J'allais dire, il est bien d'avoir un esprit critique, mais il ne faut pas rentrer dans la contradiction forcée. Ouais, bien vu, bien vu. Tu entends, Juliette? À toi de voir comment tu veux te positionner. Alors, du coup, Marion, pour l'instant, tu as deux bonnes réponses sur six. Donc, on s'approche fortement de ton objectif des 3 points. Voici, du coup, la troisième affirmation, Marion. Dans une même famille, on a tous le même microbiote cutané. Vrai ou faux, selon toi? Faux, faux, j'avais lu un truc sur ça, c'est faux. Non, je crois. C'est bien comme tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il me semble continuer. Alors, je ne veux pas. Ah, Juliette, qu'en penses-tu, Juliette? Non, je suis peut-être juste conne. Non. Le résumé trop trash. Mais non, Juliette, tu aimes qu'il y ait du relief dans les choses et qu'il n'y ait pas une homogénéité dans les réponses. Alors, qu'en pensez-vous tous? Astrée, Astrée. Je pense que c'est faux. Donc, d'accord avec Marion, Nessio. Négation, négation. Dans la même famille, nous n'avons pas tous le même microbiote. Encore d'accord. Je pense que c'est faux. Ouais. J'imagine qu'à la base, quand on est oui, on doit avoir le même, mais après, ça doit diverger très rapidement. Sophie. Ah non, moi ça m'étonnerait que ce soit vrai, donc je dirais faux. Oui, c'est une bonne façon de faire, Claire. Je pense que c'est faux. D'après mon expérience, on n'a pas, avec mes frères et sœurs, on n'a pas la même peau. Ouais, alors est-ce que oui, c'est vrai que tu as raison du coup, puisque le microbiote agit sur le système immunitaire, il agit indirectement sur le type de peau, même si c'est quand même un petit peu différent, type de peau et microbiote, mais c'est vrai que c'est déjà un bon indice, Juliette. Là, je veux dire faux. Mais qui va ça? Ah, c'est ça! Je veux Bon, un bah, je vais tonnerre dire vrai alors. d'applaudissements. Pour... Et non, Juliette a juste, pour une fois, Juliette n'a pas jugé. répondu, mais je pense qu'elle aurait dit vrai. Eh ben non, Juliette avait vu juste, elle aussi, donc comme vous tous, hein, tout à fait. Chaque microbiote est unique et varie même constamment selon la vitesse, la prolifération de chaque micro-organisme. Plusieurs éléments, du coup, ont une incidence sur les micro-organismes qu'on a sur la peau, l'âge, le sexe, le système immunitaire, le pH, la température, l'humidité. Tout ça va modifier la composition du microbiote de la peau. Steven? Bravo Juliette. Merci Félicitations. Steven, voilà, il faut quand même lui reconnaître aussi ses réussites. Et du coup, Steven, pour rebondir sur ce que tu disais, que peut-être qu'à la naissance, on a le même microbiote, en fait, déjà, lorsqu'il y a un accouchement par voie basse, tout ce qui est microbiote vaginal va avoir enfin, s'imprégner, en fait, tout ce qui est micro-organisme va venir se déposer sur la peau du bébé. Donc, étant donné que le microbiote évolue au cours de la vie, d'un frère ou d'une sœur à l'autre, il n'y aura pas eu au départ, tu vois, le même microbiote à la surface de la peau. Ça dépendra du microbiote vaginal de la maman, en l'occurrence. Donc, c'est toujours, toujours différent, en fait. Nessiu? Le microbiote, je crois, normalement, il peut même changer dans le temps, avec l'âge, etc. Bien vu. Ah oui, Bien vu, bien vu. et pour rebondir ce que tu as dit, sur ce que tu as dit, Alice, j'avais lu Ouais. que, du coup, quand tu as un accouchement en césarienne, en fait, le microbiote que récupère l'enfant, c'est le microbiote en premier cutané. Et Ah. justement, et en fait, j'avais lu un truc sur comme quoi, dans les pays, en Amérique du Sud, en fait, on fait la césarienne un peu à outrance, et du coup, Ah les oui. bébés sont nés sous césarienne. Et il y avait une étude justement qui montrait qu'ils avaient de grosses carences par rapport à leur microbiote, parce que c'est pas du tout le même que. Enfin, le cutané n'est pas du tout le même que celui vaginal, et je pense qu'il est un peu moins riche. Et du coup, le temps qu'ils se remettent à niveau, quand ils sont jeunes, enfin, ils sont un peu en carence, quoi, donc ils sont facilement plus malades, etc. Ah J'avais vu oui, ça. là tu parles notamment de leur microbiote intestinal qui, c'est vrai, est complètement influencé par le passage, ça peut paraître fou, mais lors de l'accouchement par voie basse, du coup, par le vagin de la maman, toutes les bactéries vont en fait venir dans l'intestin du bébé. C'est ça aussi, c'est ça? Ouais, c'est et l'intestin et du coup le cutané, parce que mine Ouais. de rien, il passe quand même. Enfin, tout arrive en même moment, quoi, le cutané et Oui, l'intestinal. je vois. Oui, ça, du coup, c'est les mêmes bactéries qui se posent normalement à l'intérieur du bébé et sur la peau. C'est vrai que ça peut paraître étonnant quand on réalise que le microbiote de l'intestin vient de l'accouchement comme ça. Ça peut sembler un peu absurde, mais en fait, le bébé, il ferme pas spécialement la bouche. Enfin, tout passe, quoi. Et ensuite, oui, Clairement. quand les bactéries viennent sur sa peau, bah, elles peuvent ensuite rentrer juste après. Enfin, du coup, c'est très important, finalement, ce moment-là. Et ça, c'est assez récent, hein. Je crois que les scientifiques se soient rendus compte de cette différence entre bébé né par césarienne et par voie basse. Ouais, c'est tout nouveau et en plus c'est encore hyper contradictoire. Enfin, c'est assez. Enfin, il y en a Ah. beaucoup qui se contredisent, mais en tout cas, la grande tendance, c'est oui, il y a quand même une grosse différence, quoi. Ouais. Alors, Steven. Du coup, je me pose la question, en cas de greffe de peau, du coup, comment ça se passe? Est-ce que le microbiote est homogène ou en fonction des régions de la peau, ça varie? Enfin, voilà, je me pose la question, est-ce que c'est une guerre de territoire, genre Civilization 5 ou... Bah, en l'occurrence, oui, le microbiote est vraiment différent en fonction des zones de la peau. Donc, j'ai un exemple justement par rapport à ça, au niveau des aisselles, comme il y a donc de la transpiration, ça va attiser un certain type de bactéries qui va se nourrir de cette transpiration et du côté humide. En l'occurrence, c'est le Staphylococcus hominis qui, au niveau des aisselles, va proliférer plus que les autres parce qu'il a la nourriture dont il a besoin. Et le problème, c'est que une fois qu'elle prolifère, cette bactérie va sécréter une substance, les thioalcools, qui sentent mauvais. D'où le problème voilà, d'odeur qu'on peut avoir au niveau de la transpiration sous les bras. Et c'est pour ça que le déodorant, d'ailleurs, agit notamment en séchant les selles, parce que ça limite la prolifération des bactéries et donc l'odeur que leur substance dégage. Donc tout ça pour dire qu'en fait, quand il y a une greffe de peau, je pense que le microbiote, très vite, va changer, parce que de toute façon, selon la vie de la personne, les produits qu'elle utilise, cosmétiques, son système immunitaire, voilà, le pH de sa peau, la température, etc., et bah, il va y avoir de nouvelles colonisations, parce que vraiment, les bactéries, comme tu l'as dit, c'est une certaine guerre un peu. Du coup, ils gagnent des batailles, ils en perdent d'autres. Donc, du coup, c'est très, très, très variable. Alors, on a Nassio aussi qui intervient. Oui, Marion, tu as raison. J'étais au courant de ça, qu'ils n'avaient pas le même microbiote ou moins, et qu'ils étaient plus susceptibles de choper des virus. Ah ouais. Ça, pardon, bonjour, de rien. Pardon, excusez-moi, je disais bonjour. Ouais, je disais, et que le microbiote, oh là là, je sais plus où j'en suis, je suis vraiment désolé. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Oui, les enfants nés par césarienne. Tombent plus souvent malades à cause Ah ouais. du microbiote, justement, qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont à moindre mesure. Ouais, tout à fait. Oui, parce que comme les bactéries qu'on a en nous, dans notre intestin, sont en grande partie bonnes et nous aident à en fait lutter contre les bactéries pathogènes, on l'a dit tout à l'heure, prenant plus de place, en sécrétant des substances qui sont nocives pour les germes du coup qui passent à l'intérieur du corps, et on va avoir plus tendance à tomber malade. Ouais. Du coup, Neshu, tu étais en train de tenir la porte à quelqu'un, c'est ça, j'ai entendu quelqu'un te remercier. C'est ça qui t'a déstabilisé. Alors, du coup, nous passons. Ah oui, petite info aussi. En fait, l'homme a apparemment la peau plus acide que la femme. Je ne sais pas si tu savais ça, Marion. Tout ce qui est acidité, en fait, en termes de pH, ça va Ah bah avoir non, je un savais pas impact. du tout. Bah ouais, du coup, moi non plus. Et du coup, comme les bactéries se sentent mieux dans un cadre acide en termes de pH, elles vont être plus nombreuses. Il y a une plus grande densité du microbiote sur la peau des hommes. Voilà. D'accord. Alors, Nessiu? Oui, beauté imaginée, effectivement, tu as bien entendu, j'entendais la porte à une C'est bien. voisine. Ça, c'est Donc bien. oui, ça m'a déstabilisé, mais c'est pas la voisine qui m'a déstabilisé, hein, petite blague. C'est Et juste que le fait de dire bonjour, je me suis, oui, ça t'a mon interrompu. esprit est parti dans le bonjour, quoi. J'étais plus avec vous. Et comme on parle scientifique, science ce soir, on évite. Enfin, ça demande un peu de concentration. Mais bravo de tenir la porte. C'est joli. Alors du coup, quatrième affirmation. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Marion qui a 3 sur 6 et 1 sur 3 pour Juliette. Maintenant, je crois que je vais faire une petite colonne à côté avec le score de Juliette, puisque Juliette est très fidèle à l'émission. Alors du coup, voici l'affirmation. Dans le microbiote cutané, il y a aussi les acariens. Vrai ou faux, Marion, selon toi? Microbiote cutané et acarien. Est-ce que ça en fait partie? Ouais, parce qu'en vrai, il y a quand même champignons, virus. Ouais, mais allez. Suis pas sûre, hein. Franchement, je dirais oui, mais c'est un petit oui. D'accord. Alors, est-ce que les auditeurs sont d'accord avec ce petit oui ou est-ce que ce sera un grand oui? On a Sophie. Moi, j'aurais dit faux. Non, Sophie n'est pas d'accord avec toi. Claire? Je pense que c'est vrai. Étant donné que ça provoque que des allergies chez certaines personnes, il doit y avoir peut-être une interaction. Je ne sais pas. Peut-être. Juliette? Non, vous allez arrêter de m'avoir comme ça. Je dirais faux. Parce que les acariens, ils vont sur les draps, tout ça, ils vont pas sur la peau. Enfin, je crois pas. Ouais, puis c'est vrai qu'on dort pas du tout dans des draps, ouais. Steven? Allez. Ben oui, voyons, plus on est de fous, plus on rit, donc je pense que c'est le cas. Inessiu? Les acariens peuvent faire partie du microbiote cutané. Ils peuvent faire partie, à mon avis, oui, c'est une affirmation. J'ai une petite hésitation sur celle-là, mais allez, je dis affirmation. Et pour répondre à ce que tu disais, je crois que tu peux faire une colonne avec Juliette et une colonne avec Ouais, tous les autres, ça sera plus simple. Je pense carrément. qu'on va tous être d'accord, sauf Juliette. Je te Ouais, taquine, Juliette, hein. Il n'y a rien de méchant. mais non, mais Juliette, elle est là pour ça, hein, Juliette. T'es pas là pour apprendre d'un live à un autre, t'es là pour mettre un peu d'humour. Astrée? Un grand oui pour moi et un petit faux. Eh bien, bravo. Donc, Juliette, tu n'as que 1 sur 4, navré. Et c'était bien vrai, du coup. Donc, bravo, Marion. Heureusement, 4 Juliette sur n'est pas 6. susceptible. Il fallait bien une qualité. C'est clair, pas susceptible, parce qu'à chaque fois, elle revient et elle participe assidûment. Ouais, donc, en effet, dans le microbiote, il y a aussi les acariens. Il y a, en fait, des bactéries, des virus, des champignons et également des petits parasites. En l'occurrence, les acariens sont des parasites. Du coup, c'est pour ça qu'on peut mettre l'accent sur le démaquillage le matin. Parce qu'en fait, la nuit, les acariens qui sont posés sur les draps, Juliette, vont se poser naturellement sur notre peau. Et ensuite, le fait du coup de démaquiller, ça va aider à les retirer pour que les actifs d'une crème éventuelle qu'on appliquera sur la peau après le démaquillage puissent mieux pénétrer et être efficace du coup. Donc c'est vraiment important de se démaquiller le matin aussi, même si on n'est pas maquillé, parce que souvent on se dit bah, pourquoi je vais nettoyer ma peau le matin, j'ai juste dormi. Mais non, le mieux c'est de le faire matin et soir du coup. Juliette? Bon, alors oui, on va dire que je suis là pour l'humour. Voilà. Faut te renommer Juliette. Ouais, du coup, bravo, bravo. Ça fait 4 sur 6 pour toi, Marion. Toi, tu te démaquilles un petit peu, Marion, ou vraiment c'est que la crème? Je me lave le visage, je me Oui. démaquille pas du tout, mais je me lave le visage, D'accord. Avec du coup un savon spécifique ou le même ouais. Avec mon gel douche. Bon bah du coup c'est sûr que en termes J'imagine. de oui en termes de pH Pas notamment fou. c'est pas forcément idéal. Bon, peut-être que tu n'es pas obligé de suivre ce conseil, mais disons que le fait d'utiliser un des produits un petit peu agressifs, ça va peut-être pas être l'idéal. Je ne veux pas déborder sur la question suivante, mais il y a une différence vraiment de composition entre tout ce qui est produit nettoyant pour le corps et pour la peau. Je développerai un petit peu après l'affirmation suivante, puisque je ne veux pas influencer Juliette et qu'elle remonte de son beau 1 sur 4. Alors, voici l'affirmation, la cinquième, avant-dernière. On a besoin de notre microbiote cutané et il faut donc éviter de le décaper. Vrai ou faux? Vrai. Vrai pour toi. Juliette, qu'en penses-tu? C'est le moment de t'exprimer, Juliette. Alors. Ah, Juliette. À défaut de bien répondre aux questions, je suis allée voir sur Instagram et sympa le petit air de piano, guitare, Ah! pardon. Merci Juliette d'être allée regarder. C'est vrai que j'ai bien aimé le... Donc tu peux nous dire d'ailleurs de quelle musique il s'agit sur Mais Instagram. c'est un vieux, enfin c'est un vieux son. C'est Suga Suga, mais enfin c'est vraiment, on l'entend quasiment pas du coup dans le son, mais c'est en back, enfin c'est en fond, musique de fond. Mais ouais, Ouais. c'est un rap. Ah, c'est un rap du coup. D'accord. Yep. Oui, c'est vrai qu'on le ressent pas comme ça forcément. C'est assez doux à la guitare comme ça. Est-ce que tu peux jouer les commentaires, s'il te plaît? Est-ce que tu cliques sur chacun? Ouais, alors hop là. Et je prends dans... Alors je sais pas c'est quoi l'ordre chronologique. Ok. En général, c'est Vrai celui pour du moi haut. aussi. Vrai, oui, affirmation, nous avons besoin de notre microbiote cutané. Ok, donc là pour Donc l'instant pour l'instant, ils c'est... sont d'accord. Vrai, vrai, vrai. Ok. Vrai, même si je pense que rarement on peut faire des peelings Ah oui. ou des gommages et tout, mais je pense que c'est plus la fréquence qui pose un problème. Ouais, t'as raison. Et À la Juliette? surprise générale, je vais dire vrai, comme tout le monde, je Ah. pense. Ah. Maintenant, Juliette va se censurer, elle va écouter avant de répondre spontanément. Et Steven? Ah oui. Oui, bien sûr, je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, ils en faisaient même la promotion, enfin, il y a quelques temps, quand tout le monde mettait du gel hydroalcoolique, et ils en mettaient beaucoup trop, du coup les mains se Ah. détruisaient, il y avait des plaques rouges sur certaines personnes et tout ça. Il faut y aller avec parcimonie quand on n'a pas d'autre solution de secours de type savon. Oui, avant tout, le mieux c'est quand même le savon et l'eau hein, pour se nettoyer les mains. T'as bien raison, bah, vous avez tous eu raison, je crois. En effet, on a besoin de notre microbiote cutané, donc il ne faut pas le décaper. Si on se lave trop souvent avec des produits nettoyants un peu... agressif ou juste le fait de se laver trop souvent, on va agresser notre film hydrolipidique et détériorer du coup la réadhésion de la flore cutanée. Est-ce que le film hydrolipidique, tu as déjà entendu ce terme, Marion? Non, jamais. Alors, petit rappel, je pense que ça, dans quelques lives, j'en ai parlé. En fait, on a à la surface de la peau, en plus de toutes ces bactéries, on a de l'eau et du gras. L'eau, c'est hydro, le gras, c'est lipidique, dans film hydrolipidique. Et du coup, à ton avis, d'où peut venir la partie hydra, la partie eau, naturellement? Je parle de la transpiration. Exactement, bien joué. Et à l'inverse, d'où viendrait tout ce qui est gras, lipides? Bah du coup enfin, le sébum que crée notre corps ou quelque chose comme ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, on a besoin d'un équilibre parfait entre ces deux substances. Et ce mélange-là qu'on a sur la peau, il nous protège. Et c'est de ce mélange notamment que les bactéries se nourrissent. Donc quand on décape sa peau avec, par exemple, un savon au pH trop élevé, on va du coup... Non seulement retirer voilà toute la sueur et tous les lipides, tout le sébum qu'on a, mais en plus tuer quasiment toutes les bactéries. Et ensuite, elles vont mettre du temps à se redévelopper parce qu'elles sont moins nombreuses, donc ça va prendre pas mal de temps. Et en plus, il y aura moins de nourriture pour elles. Donc c'est dommage parce que c'est la porte ouverte en fait aux germes pathogènes ensuite. Voilà. C'est encore un argument de plus pour dire qu'il faut y aller avec parcimonie, comme disait Steven. Et Nessiu, qu'est-ce que t'en pensais, toi? Et pour ajouter le meilleur pour le nettoyage, c'est le savon et l'eau. Parce que c'est moins nocif pour la peau. Parce que certains gels douche ou produits cosmétiques sont très abrasifs, très corrosifs pour la peau. Et donc ils détruisent Ouais. totalement la microbiote. Et voilà. Le film hydrolipidique, c'est un peu le gras qu'on a sur la peau. C'est l'espèce de couche grasse qu'on a au-dessus de la peau. Et je pense que c'est elle qui a un rapport aussi avec comment dire, la protection cutanée face au soleil et qui aide à synthétiser la vitamine D avec le soleil. Alors c'est marrant que tu parles du soleil parce que la semaine prochaine avec Steven, on fait un live sur le solaire, enfin sur tout ce qui est protection solaire parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors pour l'instant, je peux pas te dire si c'est le film hydrolipidique qui permet de synthétiser la vitamine D. Ça, bah, je me renseignerai du coup là-dessus, je me le note. Vitamine D, film hydrolipidique. Hop là. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que une des protections naturelles de la peau par rapport au soleil, c'est un peu plus en interne avec la mélanine qui est sécrétée par les mélanocytes donc au niveau de l'épiderme, puisque ça va ensuite permettre de capter les nouveaux rayons solaires qui arrivent. Mais je rebondis aussi sur ce que tu disais côté savon. C'est vrai que le mieux, c'est d'utiliser du savon, mais du savon doux, des produits doux. Même si on a la peau grasse, il vaut mieux éviter d'utiliser tout ce qui est nettoyant vraiment spécial peau grasse, voilà, assez abrasif. Ça va être efficace tout de suite, mais sur le moyen, voire long terme, c'est pas terrible puisque du coup, on détériore ce fameux film hydrolipidique et le microbiote associé et tout. Pour info, par exemple, enfin, la peau, elle a un pH à 5,5 et le savon de Marseille, ça va être un peu trop acide. Ça, je viens d'apprendre ça. Pour moi, c'était très naturel, donc totalement positif, mais ça, on avait fait un live hein, sur les cosmétiques naturels. Et parfois, ce n'est pas si exceptionnel. Hein. Tout ce qui est naturel, ça peut avoir des vertus, bien sûr. Mais les poisons, dans la nature, il y en a des tonnes. Et du coup, pour revenir au savon de Marseille, comme il a une acidité assez forte en termes de pH, il va plus décaper la peau et ensuite enfin, empêcher les bonnes bactéries qui sont habituées à notre pH naturel de 5,5 de se développer. Quoi qu'il en soit, faut voilà, utiliser plutôt des produits doux et bien sécher sa peau en tapotant parce que l'humidité, ça va entraîner une surprolifération des bactéries. Les bactéries, hein, c'est comme tout ce qui est moisissure et tout ça. Dès qu'il y a de l'eau, c'est là qu'elles prolifèrent avec joie. Et le but, ce n'est pas non plus d'avoir une surpopulation parce que ça se dérègle en fait. Il faut un bon équilibre. Donc, pour finir sur ce point, l'idéal au final, ce n'est pas de supprimer tous les micro-organismes, mais plutôt de réduire leur nombre à chaque fois qu'on se lave finalement, pour qu'après ils se développent à nouveau, puis qu'on se nettoie à nouveau la peau, etc. Alors du coup, on a eu plusieurs réactions. Ça, du coup, tu en avais conscience, toi, Marion, qu'il faut éviter les produits trop corsés pour nettoyer la Ouais, peau. oui, ça j'avais bien conscience qu'on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi, mais j'avoue que je fais un peu le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, Oui, je vois. donc Oui, et voilà. puis le gel douche, bah, c'était pratique dans Ouais, la c'est à foulée. côté, c'est là, et puis voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que le gel douche, a priori, sera un peu plus chargé, tu vois, en termes Ah bah c'est sûr, je le sens d'ingrédients. après que ma peau elle est bien tiraillée une fois que j'ai Ah utilisé le ouais. bon gel. Et ce qui peut être pas mal aussi, si tu as un côté tiraillement, bon, tu utilises ta crème après, donc ça c'est top, mais c'est d'utiliser tout ce qui est eau florale. Par exemple, si parfois tu as la flemme le soir de mettre ta crème, tu peux simplement vaporiser une eau florale, notamment eau Ah, de j'ai de l'eau de camomille. bleuet ou un truc comme ça, je sais Ah, pas très bien. si. Ouais, tout à fait. Bah ça, Ouais, normalement, je ça. crois que ça a aussi des vertus plutôt apaisantes, le bleuet. Donc, le fait d'appliquer ça, ça va retirer le calcaire que l'eau a pu laisser sur ta peau et ça va aider du coup à ce que la peau ne tiraille pas parce que ça va un petit peu l'hydrater en même temps. Donc, et ça peut s'appliquer juste avant une crème hydratante aussi. Donc c'est ça, c'est une bonne astuce. Steven? Du coup, moi, me concernant, j'ai une peau super sensible qui sèche très vite. Ouais. Et je fais super attention aux produits que j'utilise. Il faut que j'utilise peu de produits déjà. Quand j'en mets, c'est Ah. vraiment avec parcimonie. Et des produits de qualité et surtout qui sont avec des corps gras, très nourrissants, super riches. Comme ça, ma peau, elle est bien belle après. Donc toi, tu es à fond dans la slow cosmétique, Steven. Bah, tu nous avais partagé lors du live la dernière fois ensemble sur le stress et la beauté. Tu as ton étagère de produits de beauté. Et donc la slow cosmétique, hein, c'est le fait de consommer moins mais mieux. Donc ça, c'est ce que tu essayes de faire. C'est vrai qu'une peau sensible, elle va être encore plus sollicité si on a trop de produits différents avec des compositions trop lourdes. Un des conseils donnés par ce mouvement de la slow cosmétique, c'est de choisir des produits qui ont une petite liste d'ingrédients au dos. Dans la liste INCI qui nous est donnée pour chaque produit de beauté, il conseille pour quand on s'y connaît pas assez, hein, on est beaucoup dans ce cas-là, on ne connaît pas chaque ingrédient du tout de la liste INCI, de se limiter à une dizaine d'ingrédients. Bon, voilà. Claire? Je pense que le pH de l'eau joue beaucoup parce que selon l'endroit où on se trouve, la peau va être beaucoup plus sèche selon si l'eau est calcaire et si Ah son ouais. pH est trop élevé. Donc il n'y a pas que les Pas produits, que les il y a l'eau produits, aussi. il y a l'eau aussi. Ah oui, t'as raison. Ah oui, Et t'as puis comme raison. Et puis comme souvent. souvent. Ah mince, on Ah m'entend en mince, on écho. m'entend en écho. Marion, tu m'entends en Marion, tu écho ou m'entends pas? en écho ou pas? Non. Ah, il n'y a que moi. Ah, il n'y a que moi. Ah mince, mais je m'entends Ah en mince, écho, mais je m'entends en c'est écho, très c'est bizarre. très bizarre. Ah, je ne vais pas Oh, je réussir ne vais à. pas réussir Attends, à. il Attends, faut que je il faut déconnecte que et que je je déconnecte reconnecte. et que je Est-ce que reconnecte? tu peux jouer Est-ce le que tu peux commentaire jouer le suivant, commentaire s'il te suivant, plaît, s'il te Marion? plaît, Marion? Yep. De bleuet, c'est De bien bleuet, parce que c'est c'est bien parce que c'est décongestionnant décongestionnant et ça fait et ça fait disparaître les disparaître les cernes, cernes, les irritations, les etc. irritations, C'est etc. pas C'est mal pas mal comme au floral. comme au floral. Moi perso, Moi j'entends un perso, écho. j'entends un écho. J'entends aussi Alors, en écho, j'entends je pense aussi un écho, je pense que il y a un problème qu'il y a de un micro problème de ou haut-parleur. micro ou haut-parleur. Ah si, on Ah t'entend si, en si, on écho et du t'entend coup en c'est écho deux et du fois coup plus c'est deux fois plus chiant. chiant. Je rigole. Mais je vais Après, entendre à ce que nouveau je en écho. conseille aussi le soir, c'est Le soir, c'est de mettre une huile une végétale. Une végétale, huile une huile végétale végétale sans, bien sûr, sans, sans bien sûr, produits sans produits chimiques, chimiques, nocifs, nocifs, tensioactifs, tensioactifs, etc. etc. OGM, il faut que ça OGM, soit faut que bio ça de soit bio de préférence préférence et que ça soit et que ça soit artisanal. artisanal. Donc pressé à Donc froid. pressé à Ça froid, dépendra ça des huiles, dépendra c'est des pas huiles, pour c'est toutes pas les pour huiles, toutes mais il y a les des huiles, mais huiles il y a qui des sont huiles très qui bien à sont très mettre. Je bien à vous donne un mettre. Je vous exemple. donne un exemple. Comme ça, Comme vous ça, prenez de vous l'huile prenez de de l'huile pépin de de figue de pépin de figue de Barbarie. Barbarie. C'est très très C'est très bien très bien pour de le mettre la de le nuit mettre la parce que nuit ça parce que aide ça à, aide comment dire, à comment la dire vitalité la de la peau. vitalité de la C'est-à-dire peau. que la C'est-à-dire peau que se la peau régénère se la nuit régénère et la nuit et ça aide à sa ça aide à sa régénérescence régénérescence pendant la régénérescence nuit. pendant la nuit. Voilà. Ah Et d'autres d'accord. choses, Et ça d'autres enlève choses, les ça enlève cernes, les les cernes, rougeurs, les etc. rougeurs, etc. Marion, est-ce que par Marion, exemple est-ce que tu par mets en exemple tu mets en haut-parleur? haut-parleur? Ouais, là Est-ce je que tu peux pourrais essayer essayer de de l'enlever, s'il te l'enlever, plaît? s'il te plaît. Ok. Comment ça se Juste pour passe? voir. Parce que. Ah, là tu as enlevé le son. En l'occurrence, je ne m'entends plus en écho. Parce que quand j'entendais la note vocale des auditeurs, on voit ton logo qui parle comme si ça venait de ton micro. Donc j'ai peur de ça. Je crois que là, tu as carrément coupé le son parce que tu vois, on voit le logo son coupé sur ton écran. Donc je pense qu'il faudrait enlever le haut-parleur, mais enfin, remettre peut-être en En écouteur, écouteur, du coup. du coup. Ouais, mais j'ai plus de batterie sur mes écouteurs, je cherche. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mince. En attendant, bah, En je vais attendant, bah, je vais commenter commenter peut-être peut-être. ce qui a été dit. Donc, déjà, j'ai envie de faire une recherche pour la prochaine fois sur le pH du gel douche VS savon doux. Et pourquoi pas le pH du calcaire aussi, parce que c'est vrai qu'on. Comme on rince beaucoup de nos produits, bah, comme disait Claire, le calcaire du coup va forcément altérer la peau, enfin avoir une incidence. Et du coup, on a aussi Nessu qui conseillait un produit. Donc merci Nessu de tes conseils. D'ailleurs, tu veux encore intervenir? Non, c'est pas un problème de haut-parleur. Je pense que j'ai déjà trouvé la solution. C'est qu'un l'un d'entre vous, je ne sais pas lequel, a enlevé ses écouteurs et donc on Ah entend en oui. double. Ouais, tout à fait. Bien vu, Nessu. Je pense que c'était le problème avec Alors, je le pense manque de que c'est batterie. Marion qui écoute le live en ayant retiré ses écouteurs et donc ça Ouais, duplique la voix. je crois que c'est ça, parce que là, j'entends plus en écho. Ah oui, ça Après. remarche quand Marion enlève le son. Peut-être qu'elle avait pas d'écouteurs. Et oui, a priori, c'est ça, Steven. J'ai une question aussi. Est-ce que le gant de toilette qu'on utilise peut avoir aussi une incidence? J'imagine que oui, parce qu'il y en a qui sont, enfin voilà, qui sont moins doux que d'autres. Mais voilà, si c'était un élément qui a été apparu dans la réflexion. Ah, est-ce que le gant de toilette... Attends, je réécoute ce que tu dis. J'ai une question aussi. Est-ce que le gant de toilette qu'on utilise peut avoir aussi une incidence? J'imagine que oui, parce qu'il y en a qui sont, enfin voilà, qui sont moins doux que d'autres. Mais voilà, si c'était un élément qui a été apparu dans la réflexion. Tu parles pas forcément du pH, hein, Steven, c'est ça? Plus du côté éventuellement abrasif du gant. Moi, ce que j'ai toujours appris, c'est qu'il valait mieux ne pas frotter sa peau avec un gant, mais tapoter pour permettre à la peau de ne pas être irritée. Pareil, tout ce qui est coton, quand on utilise un produit, ça va être assez irritant. Apparemment, si on regardait au microscope après le passage d'un coton sur la peau, il y aurait des micro-lésions. Donc, le gant, ça va dans ce sens. Et pour revenir à notre microbiote, sur un gant, s'il est mal nettoyé, il y a énormément de bactéries qui ont proliféré, puisqu'elles adorent tout ce qui est humidité. Donc, un gant doit être bien laissé sécher à l'air libre, du coup, pour éviter qu'il y ait de nouvelles bactéries dessus, qu'on se réapplique ensuite sur la peau. Parce que le mieux, c'est que les bactéries se développent sur notre peau naturellement, alors que si on les fait venir comme ça de l'extérieur, c'est pas forcément les bonnes bactéries qui arrivent. Ça va, Marion? Ouais, bah si T'as... ça marche maintenant ou pas? Ah bah là, je crois que c'est bon, hein. Chers Ok, auditeurs, bah tant dites-nous mieux. si y a encore un souci. Mais ouais, donc bah, bon à savoir. En fait, quand on est en haut-parleur, enfin sans les écouteurs, du coup, ça Ouais, on c'est entend vraiment tout deux impossible fois. quoi. Bah ouais. Astrée? Mais waouh, on a plein d'ingénieurs ici, hein. On a tous trouvé la solution. C'est clair. Nessu? Bah, le gant de toilette en lui-même, tout dépend de son utilisation. Si tu te frottes la peau sévèrement, disons, Ouais. effectivement, tu détruis ta microbiote, mais si tu passes tout doucement avec douceur, il n'y a pas de souci. Ça dépendra de la force du frottement. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, moi, j'ai découvert que les cotons, ça crée quand même des micro-lésions. Donc, de toute façon, c'est peut-être pas idéal. La main, c'est le mieux, en fait, pour appliquer un produit. Ou sinon, les démaquillants réutilisables seraient plus doux que le coton. À voir. Steven. Je confirme, c'est au poil. Ok, parfait. Alors, du coup, nous passons à la dernière affirmation. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, on a un 5 sur 6 pour Marion et un 2 sur 6 pour le moment, enfin sur 5 pour Juliette. Alors, avant de se lancer, Steven. Du coup, si le coton crée des liaisons, des lésions. Pardon, et non pas des... Voilà. Ça me fait la réflexion que le coton de tige, du coup, aussi, et on peut s'enflammer le Ah. conduit auditif comme ça. Bah, de toute façon, les ORL recommandent vraiment de ne pas utiliser de coton-tige. Donc oui, tu as raison, ça doit sans doute être plutôt mauvais par rapport à ça. Parce que évidemment qu'il y a aussi un microbiote cutané de l'intérieur de l'oreille, du coup, puisque c'est à nouveau une paroi avec un point de contact entre l'organisme et l'extérieur. Donc ouais, je ne sais pas si ça t'as découvert, t'as entendu parler du microbiote auditif, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mario, ça... dans tes lectures et tout. Oula, clairement pas. Non, j'ai Ouais, a non, j'ai pas priori, jamais c'est. entendu parler de celui-là. Peut-être que c'est mélangé au microbiote cutané qui n'a pas une spécificité particulière. Alors que le microbiote oculaire, là, c'est particulier parce que c'est vraiment une muqueuse et l'œil, c'est avec toutes les larmes et tout ça, il y a un tout autre pH, donc microbiote aussi. Nessio? Bah à vrai dire, le meilleur, comme on l'a dit, vu que c'est le savon et de l'eau, c'est de prendre le savon entre ses mains, de l'humidifier, de le faire mousser Ouais. et de se badigeonner de savon sur la peau Ouais. en frottant avec sa peau directement, puisque Bah peau contre peau, on ne fera aucune lésion, et oui. à moins que vous utilisiez vos ongles. Et ensuite, voilà, Ouais. bah vous rincez tout simplement. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que tout ce qui est gants, il y a aussi les éponges Conjac et tout qui se développent pas mal pour avoir un côté un peu exfoliant quand on applique un nettoyant sur le visage. Du coup, c'est quand même peut-être un peu plus agressif que la simple paume de la main. Maintenant, il faut que les mains soient bien nettoyées parce que du coup, si on ne se lave pas les mains avant de se démaquiller, toucher le visage, ben là, on apporte de nouvelles bactéries au microbiote et potentiellement des germes pathogènes. N'est-ce pas? Bah, je sais pas ce que vous répondez, les filles, mais en tout cas, oui, les ORL, j'ai entendu juste les ORL en lançant pour l'audio. Les ORL disent de les cotons-tiges souvent dans les oreilles, puisque non seulement vous allez faire des lésions dans votre tube auditif, mais aussi vous pouvez atteindre le tympan à force de vous curer les oreilles et de vous créer des soucis de santé, des soucis ORL, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir une accumulation de cérumen si on utilise trop de coton-tige. Donc ouais, apparemment c'est pas terrible. C'est vrai que sur stéréo, quand on envoie un commentaire, du coup, on n'entend pas ce qui se dit au même moment. Alors, est-ce que Marion, t'es prête pour la dernière affirmation pour faire peut-être un sans faute? Prête. Alors, mieux vaut un microbiote cutané le plus varié possible. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Vrai. Alors, qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que ça vous inspire cette affirmation-là? Qu'un microbiote cutané devrait être le plus varié possible pour notre santé, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marion ou pas? Réponse affirmative pour celui-ci. Donc, plutôt d'accord pour Nessio. On a, je crois, quelqu'un d'autre. Juliette? Je vais dire faux. Donc au final, ce sera vrai. Possible. Ensuite, Claire? Je pense que c'est faux, mais avec beaucoup d'hésitation. D'accord avec Juliette, ça c'est dangereux, Claire. Steven? Je pense que c'est vrai et je pense qu'elle varie vraiment avec le temps, en fonction des saisons, en fonction du besoin du corps, etc. Et que ça s'adapte de cette manière-là. C'est du darwinisme sur le corps, en fait, à notre échelle à nous. Ah, ouais, le darwinisme étant, rappelons-le, la loi du plus fort, en fait, le fait qu'il y ait sélection naturelle à chaque fois que un gène un peu faiblard se présente, que ce soit les gènes les plus forts finalement qui se reproduisent entre eux et prennent le dessus et font de nouveaux gènes les plus forts. Donc il y a une amélioration de l'espèce un peu comme ça. Bah c'est vrai qu'on peut se dire ça peut-être pour le microbiote aussi. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'était bien vrai. Bravo Marion, 6 sur 6. Bien joué, hein. Ça fait longtemps là que t'as pas eu d'examen et tout, puisque tu es en vacances scolaires, tu disais, mais donc ça te fait une bonne note. Bon, En il y a fait, tant pis. ouais, c'est toujours bon à prendre. En fait, plus il y a de variétés de micro-organismes sur notre peau, plus elles se régulent entre eux, du coup, pardon, les micro-organismes, et plus ils sont complémentaires. Donc, quand on vit dans un endroit très pollué, le microbiote va s'appauvrir. Les espèces présentes sont du coup chacune en plus grand nombre par espèce sur notre peau, puisqu'il n'y a que les mêmes. Donc, elles se reproduisent, elles se rencontrent tout le temps, elles se reproduisent, elles peuvent prendre toute la place. Et quand notre corps rencontre un peu trop souvent le même micro-organisme, il peut s'y sensibiliser et parfois réagir. Ça peut être, du coup, dans ces cas, une allergie. Ça me fait un peu penser à ce que disait ta maman, du coup, Marion. Pour le, enfin c'est pas vraiment pareil, mais tu vois quand elle disait que mettre toujours le même produit, ça va peut-être t'y sensibiliser, non? Enfin, ça va pas être terrible. Ouais, bah oui, du coup. Alors, c'est vrai que si jamais dans le produit que tu utilises, il y a des mauvais ingrédients, le fait d'utiliser Ouais, toujours bah celui-là, ça fait que du coup, tu as les mêmes conservateurs, par exemple, tu es en contact avec eux tout le temps. Par contre, si c'est un produit sans trop d'ingrédients ouais, non, controversés, franchement. ouais. Après, tu Faut peux pas regarder, c'est. utiliser. Ouais, oui, Mais ouais, j'ai vu qu'il y c'est avait certains assez souvent. composants qui sont hyper à... qui sont à éviter. Je sais plus c'est quoi son nom, mais il y en a un surtout. Un conservateur ou je sais pas quoi qui est hyper D'accord. alors faut vraiment Ouais, que je retrouve son nom, controversé. mais il y en a un vraiment où je sais pas où. Tu Après tu. franchement je regarde là où il y a le moins de trucs possible, en fait. À partir du moment où la liste elle Oui. est trop longue, je me dis que c'est pas fou. Ouais, t'as raison, c'est vrai que ça c'est un des conseils qui est donné déjà pour limiter la casse entre guillemets. Tu utilises une application du coup qui note les produits de beauté Pas pour trop en regarder fait. ou... J'avoue que je jure un peu que par deux trois marques, et je sais que enfin, je peux les suivre les yeux fermés, mais sinon. Ouais, d'accord. Oui, tu fais une fois que tu as confiance en une marque, tu te dis que Ouais, toute leur voilà, gamme faut va juste être que tout plutôt le. Ouais, je vois. Alors, pour utiliser un peu les applications, même si bon, c'est pas du tout du 100%, étant donné que dans la liste que te donne une marque au niveau du produit de beauté, t'as pas le pourcentage en fait d'ingrédients Oui, dedans. Tu as donc. juste l'ordre, c'est du coup Et décroissant, l'ordre, mais tu peux pas savoir. Ok, donc L'ordre, on il est veut d'accord dire. que l'ordre, il veut dire qu'il Ouais. y a quand même la quantité Oui, que le premier qui est est donnée. bien plus, enfin, est plus important que le dernier. Maintenant, est-ce que c'est que le premier il a 10% et le dernier il a 9%, ou est-ce que c'est que le premier il a 95% et le dernier il a 0,02? Ça, Ouais, on ne ça, on sait sait pas, pas. tu vois. Donc, c'est ça qui est très gênant. Et du coup, comme les applications qui notent ne sont pas au courant de ça non plus, elles peuvent mettre rouge juste pour la présence d'un des ingrédients qui, en fait, est en super petite, Super petite quantité. exactement. Pourcentage. Et du coup, de toute façon, bah, souvent ce que je dis, c'est que la réglementation en termes de cosmétiques européenne est une des plus exigeantes du monde. Donc bon, on peut quand même aussi être assuré par rapport à ça. Mais si on veut voilà, faire attention, être un peu ouais, perfectionniste sur tout ça, déjà le fait de prendre une liste d'ingrédients plus courte, ça peut être mieux. On a Steven et Astrid qui avaient commenté il y a quelques Bravo instants. Marion, bien essayé Juliette, on t'adore. J'avoue, Juliette a eu 2 sur 6, je crois. Bon, un tiers. Voilà. Et Astrée? Ah bravo, c'est pas Juliette qui aurait fait ça. Astrée aime bien taper sur Juliette. Alors, du coup, si vous voulez vous intéresser davantage à tout ça, vous pouvez consulter le site Galinée, la Microbiome Academy. Là, c'est une marque qui essaye un peu de sensibiliser à tout ça. C'est assez intéressant, je trouve. Il y a aussi les podcasts de Beauty Toaster. Certains parlent des probiotiques en matière cosmétique. C'est intéressant aussi. Et peut-être que tu l'as lu, puisque ça t'intéresse. J'ai lu le livre Le charme discret de l'intestin. Donc là, c'est très riche aussi en informations. Je ne sais pas si tu l'as déjà Oui, lu, Marion. Ouais. Mais là, par contre, je l'ai on se concentre vraiment sur le microbiote intestinal, pour le coup. Mais Ouais, déjà, du ça coup, donne ouais. une bonne notion, enfin, du concept, quoi, de Clairement. cohabitation entre micro-organismes et tout. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Elle arrive à bien vulgariser le sujet qui, de base, est quand même très lourd, hein, quand on entend certains noms de bactéries et tout. Enfin, c'est impossible de retenir pour ma part, en tout cas. Totalement. Peut-être que Non, toi, mais si tu fais le nom, c'est un médecine, peu. tu sauras. Non, mais. Ça, on verra, mais c'est vrai que les noms, ils sont un peu galères. Ouais. Mais du coup, c'est plutôt instructif parce que elle arrive à bien simplifier tout ça. Alors, Juliette et Astrée participent. 2 sur 6, ouais, c'est plutôt pas mal. Astrée. Comme l'émission touche à sa fin, j'en profite pour faire la pub de l'interview inversée qui aura Oui. mercredi prochain. Donc c'est moi qui interviewerai interview vraie, je sais pas comment on dit, ça commence bien. Beauté imaginée, donc voilà, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez les demander sur son Insta. Elle y répondra si c'est pas trop personnel. Oui, en effet, merci Astrid de teaser. J'allais en parler en conclusion, mais pour fêter les 200 abonnés, parce que je suis très contente de ce score, c'est la semaine prochaine, moi qui serai challengée sur un thème beauté. En l'occurrence, Astrid m'a proposé le thème épilation, qu'elle aime plutôt bien. Et encore une info d'Astrid. Évidemment, venez parce que l'intervieweuse sera au top. Ah, bah oui, sacrée intervieweuse. Ouais, bon, ça va être rigolo. Donc, bah Marion, si tu penses à une question à me poser dans cette interview, n'hésite pas, puisque Astrid est tout oui. Juliette ? Eh bah, ben, je serai là aussi pour participer et remonter le niveau intellectuel technique. C'est clair, c'est bien résumé. Steven ? Oui. Et puis, félicitations pour tes 200 abonnés. Merci Steven qui m'a déjà posé plusieurs questions que Astrid pourra me relayer la semaine prochaine. Merci beaucoup Steven. Eh bien oui, en effet, du coup, le live touche à sa fin. Le live sur le microbiote cutané. Marion, toi, quelle info là t'as la plus marquée dans le vrai faux? Est-ce qu'il y en a une particulièrement? Bah, le fait que les acariens ils passent de nos comme j'étais tellement pas sûre de moi, genre je savais pas vraiment à quel moment ça pouvait arriver, mais que ce soit quand oui. tu dors, mais que du coup ça passe ouais et que du coup un bon démaquillage, nettoyage peut être pas mal dans ce sens. J'avoue. En tout cas, le prochain live, on l'a évoqué, c'est avec Steven la semaine prochaine, le dimanche, pour parler de beauté et de protection solaire. Donc c'est un sujet d'actualité, bien sûr, vu le beau temps qu'on a, et autour duquel il y a plein de fausses idées, d'idées un peu reçues, d'infos contradictoires. Donc, on essaiera d'éclaircir tout ça. Ça te parle, ce sujet? Toi, tu utilises une protection solaire ou pas trop? Pas du tout. Je n'ai rien du tout. Je pense que je dois avoir un soleil détruit. Je n'ai rien. Bon. Eh bien, j'espère que tu seras là ou que tu écouteras en replay pour en savoir plus et adopter de bonnes habitudes. Oui, voilà. C'est vrai que c'est assez important. Je l'avais dit déjà la dernière fois, mais en fait, dans le monde, un cancer sur trois est un cancer de la peau. Et bien sûr, les cancers de la peau sont notamment, principalement causés par le soleil. Donc, c'est sûr que... ça a son importance. Eh bien, du coup, merci beaucoup, Marion, d'avoir participé à ce live sur le microbiote cutané. C'était intéressant. Puis, on voit que c'est un thème qui t'a beaucoup parlé, plu et tout. Donc, c'était cool. Bah, merci à tous de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Merci à tous d'avoir participé. Là, on a eu beaucoup de participation. On a eu Juliette, Astrée, les fidèles, Claire aussi, fidèle, Maman Soso, Nessiu, merci beaucoup. Nouveau Nessiu sur Beauté Imaginée. Steven aussi, merci beaucoup de ta fidélité, Steven. J'espère que je n'oublie personne. En attendant, on a Astrée qui commente. Merci beaucoup pour le live, en tout cas, et hâte de prochain. Et le prochain étant avec Astrée qui m'interview. Nessiu. Ben, comme ça touche à sa fin, Marion et Beauté Imaginée, merci pour ce live. C'était cool. En plus, j'attendais depuis un moment, et peut-être qu'on n'a pas les mêmes horaires, mais j'attendais un peu moi depuis un petit moment de suivre un des lives de Beauté Imaginée. Oh, et là, j'ai eu une notification aujourd'hui parce que je m'étais abonné à toi. Quand j'ai lu la bio. Voilà. En tout cas, bonne continuation. Ah. Merci. Et voilà quoi. Trop cool, Nessiu. Ça fait plaisir, ce genre de message. Pourquoi tu habites où, toi? Tu as des horaires décalés? Tu es basé où? Avec plaisir, en tout cas. Bah, j'espère que tu as appris des trucs. Et puis, tu nous as aussi parlé de pas mal de choses. Donc, c'était intéressant d'avoir tes réactions. Juliette. C'est très intéressant, ouais, j'ai appris plein de choses. C'est l'avantage quand tu te trompes partout, c'est que t'apprends plus que les autres. J'ai envie de te reposer les questions pour voir si tu te retrompes, Juliette. Kido, salut Kido qui nous rejoint pour... T'as oublié Kido, hein, c'est moi. Désolé Kido, comme t'avais pas participé, je ne t'ai pas remercié. Merci d'être là, Nessiu. Et je me permets, si vous m'autorisez, de faire une petite promo. Après, vous faites ce qu'en vous en voulez. Moi, je vous invite à aller voir la page Instagram qui s'appelle Poétique Officielle. Ça s'écrit P-O-E-T-H-I-C-K. C'est une marque que j'ai créée avec des personnes. C'est dans la bio végétale. C'est une dame qui gère la page. Donc vous pouvez lui poser des questions, etc. C'est de la vente de produits cosmétiques. Ça commence, c'est leur début. Enfin, c'est notre début. Et on aura d'autres produits à l'avenir. Mais en tout cas, on compte se mettre dans une niche qui est fortement biologique et sans OGM. Toujours naturel, quoi, 100% naturel. Voilà. Bah Nessio, j'ai envie de te dire, là c'est obligé, on doit faire un live ensemble où tu nous parles de peut-être l'entrepreneuriat dans la beauté ou un thème comme ça. Ça pourrait être très intéressant si toi ça te dit. Steven! Merci beaucoup pour ce live et puis à bientôt pour de belles et prochaines aventures. Ouais, carrément, merci beaucoup Steven. Nessio? Non, t'inquiète pas, je suis basé à Paris. C'est juste que je viens plus souvent le soir. Je viens plus souvent le soir sur stéréo, j'ai souvent pas le temps la journée. Ah, et donc c'est pour ça que je disais ça, mais je suis de Paris. Ah d'accord, ok, donc on est sur le même fuseau horaire, mais des modes de vie peut-être différents. Moi c'est vrai que c'est toujours même 20h45 maintenant. Astrée. Bon bah merci pour la pub et je me suis abonnée, je vais regarder. Ouais grave, je vais regarder aussi. En tout cas, à première vue, les photos sont très jolies. Et enfin, ça donne envie de regarder le compte. Ah, on va regarder ça. Eh bien, ça y est, c'est la fin. Du coup, on se retrouve mercredi prochain pour l'interview inversée avec Astrée, puisqu'on échangera les rôles à ce moment-là. Merci encore, Marion. J'espère que tu vas te démaquiller maintenant, matin et soir, pour enlever les acariens avec un produit adapté pour ton visage. Non, mais déjà, le savoir, c'est déjà bien pour après, petit à petit, prendre les bonnes habitudes, pourquoi pas. Mais bon, tu n'as pas 25 ans comme on a pu te donner comme âge, tu as 17 ans, non, donc voilà, tu as encore le temps de rebondir, essayer plein de nouvelles choses, peut-être des produits naturels et biologiques, poétiques officiels, pourquoi pas. Je vais aller regarder ça pour ma part. Ah, Nessio. Merci, je dis bonne soirée à vous deux, les liveuses Marion et Botte et Alice. Et en plus, Alice, tu as le même prénom que ma femme. Et je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'aux auditeurs. Et c'était un plaisir. Et maintenant que je sais que tu es là vers 20h45, bah, j'y prêterai attention. J'avancerai peut-être mes horaires si tu es là. Si tu n'es pas là, je pense que je ne viendrai pas. Bah, bonne soirée à tous et merci. Eh bien, c'est flatteur. Merci beaucoup, Nessio. À bientôt, en tout cas. On t'attend pour ta participation sur le live solaire la semaine prochaine et peut-être l'interview inversée, du coup, mercredi. Et ben voilà. Marion, je te souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne fin de vacances et merci à tout le monde. Au revoir. Juliette, Claire, Nessio, Steven, Astrée, Namiko, Kido. Bonne soirée.